été à Lima, ni à Fey, ni à Panama. Je n'ai possédé ni trois mains, ni charrette, ni cinéma. Je ne suis qu'antilapin qui scule de petits oursons. Je n'ai jamais vu de la main, de ta main noire, ni de puma. Je n'ai pas été à Lima, ni à Fey, ni à Panama. Je n'ai possédé ni trois mains, ni charrette, ni cinéma. Je ne suis qu'antilapin qui scule de petits oursons. Dans un glaçon, plus de la main.